la liberté douter ne sera pas totale. Ouais. Et peut-être sera de moins en moins grande au fur et à mesure des années, si la dynamique prend. Alors, on est déjà dans la temporalité. Et donc, je passe immédiatement la parole à Marion Lemoine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chère Yann. Je vais d'abord régler mon micro. Voilà. Et je vous... Bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci aux organisatrices de cette journée pour leur invitation à partager mes recherches, lesquelles portent actuellement sur la flexibilité du droit international face au changement climatique. Et je souhaite mettre en débat aujourd'hui la dimension temporelle de cette flexibilité du droit international qui a déjà été abordée par Sandrine et par Yann Pierre. Alors, de flexibilité du droit, donc de quoi parle-t-on? En fait, je renvoie là donc à la souplesse du droit et à son adaptabilité. Dans un contexte de grande incertitude, au moment de la COP21, quant à la capacité de la communauté internationale à lutter efficacement, à adopter des outils de lutte efficaces contre les changements climatiques, et ce depuis la conférence de Copenhague de 2009 principalement, pour parvenir à une participation universelle à l'accord de Paris, de nombreux compromis ont été faits, renvoyant à de nombreux éléments de flexibilité dans l'accord, flexibilité juridique. Alors je distinguerai trois dimensions de cette flexibilité juridique. La dimension matérielle, tout d'abord, la plus évidente, sur le plan du contenu, ce qui souvent montre que l'accord de Paris, paraît peut-être peu ambitieux, alors on va discuter de sa subtilité plus que de son manque d'ambition ou d'opérationnalisation. Flexibilité quant à la forme également, et là c'est directement le mix entre les normes juridiques de hard law et de soft law, bien expliqué par Sandrine, couplé également à des dispositions, des dispositions non normatives qui ne contiennent aucune prescription au comportement, qui ne renvoient aucun droit ni obligation pour les destinataires de ces normes, mais qui donnent des éléments de contexte, qui posent des plateformes de dialogue, qui font des constats appelant à l'action non seulement des parties à l'accord de Paris, mais également d'autres types d'acteurs. Et là, j'ouvre la voie à d'autres interventions de la journée sur les acteurs infra-étatiques et un très grand nombre d'acteurs privés, puisqu'on voit que cette dynamique d'alliance inter-acteurs devient fondamentale autour du processus de négociation internationale et amène à réfléchir sur le sens que prend aujourd'hui ce processus de négociation internationale et du rôle de l'ONU finalement dans la fabrication d'un droit international. Et là, c'est certainement Géraud qui en parlera davantage. Et dernière dimension de la flexibilité, la dimension temporelle. Ici, il me semble important, en fait, j'ai souhaité approfondir l'analyse sur la dimension temporelle de la flexibilité pour mieux évaluer cette capacité de nouveaux types de normes et de ce mix entre des normes donc classiques, juridiques, non contraignantes, mais du moins obligatoires, couplées à un grand nombre de normes soft qui ont pour effet d'avoir un impact et une effectivité la meilleure possible et partant une efficacité, et d'inscrire cette dimension temporelle dans l'évaluation de la force normative finalement de ces dispositions pour compléter cette évaluation. Bon, cette analyse de la flexibilité est guidée par deux objectifs. D'une part, évaluer les conséquences sur la structuration du régime juridique international. D'autre part, je m'interroge sur les leçons à tirer, sur la capacité du droit à s'adapter à un objet qui, on l'a dit, est complexe, global et profondément évolutif. Alors, mon propos s'articulera en trois temps. Le premier temps, j'identifierai les causes de cette flexibilité temporelle. Je vous propose ensuite de vous présenter les principales manifestations de celle-ci et enfin les conséquences et enjeux. Alors sur les causes, il en est une, la première qui est très facilement identifiable, c'est la nécessité pour les normes juridiques de s'adapter aux évolutions des connaissances scientifiques. Depuis de nombreuses décennies maintenant, plusieurs décennies, le régime juridique international sur le climat répond aux évolutions des connaissances en climatologie. Les rapports du GIEC structurent en fait l'évolution de ce régime, mais dans l'accord de Paris, mais ça c'est pas une innovation, c'était déjà le cas dans le protocole de Kyoto et c'est déjà inscrit dans la convention cadre de 1992. On doit prévoir des normes capables d'évoluer au fur et à mesure de l'évolution de ces connaissances. Deuxième cause de cette flexibilité temporelle, l'adaptation et je dirais même la résistance des normes juridiques au niveau variable d'engagement politique des États et des autres acteurs en faveur du climat. Bon là, l'actualité américaine ces derniers mois, ces dernières semaines avec l'abrogation du Clean Power Act nous offre malheureusement la principale source d'incertitude ou en tout cas de déstabilisation possible du processus de solidification du droit international sur le climat. On en reparlera certainement au moment des questions. Mais il fallait de toute façon, et c'est la troisième cause de cette flexibilité, trouver des compromis, trouver un équilibre qui permette de conserver l'universalité de la participation des États à la table des négociations et à l'engagement directement à l'accord, donc des parties à l'accord. Il est toujours difficile de trouver ce type de consensus, et là, on a choisi une forme assouplie de l'engagement de l'État pour concilier des intérêts à la fois divergents et très souvent contradictoires. Donc finalement, dans l'analyse des causes de la flexibilité, on peut identifier que certaines normes sont flexibles par défaut, c'est-à-dire à défaut d'un consensus sur un niveau plus ambitieux d'engagement, mais un très grand nombre de normes sont flexibles parce que c'est ce qui correspond parfaitement aux souhaits des auteurs de la régulation. C'est particulièrement patent dans l'accord de Paris. Donc finalement, cet ensemble de conditions permet de comprendre qu'on cherchait à élaborer et adopter un droit adaptable, résistant, et je pose la question d'un droit résilient finalement, capable de résister aux différentes difficultés qu'il va rencontrer, et le régime juridique sait déjà à quel type de difficultés il est confronté. Alors, un aperçu global sur la temporalité de l'accord de Paris, et là j'emprunte la formule à Sandrine Jean-Dubois et Mathilde Boutonnet, qui résume, je crois, assez bien les choses. A priori, rien ne presse, à condition d'agir vite. L'adoption et la ratification de l'accord ont été très rapides, mais les engagements sont pris par les États à compter de 2020 seulement. Cependant, pour parvenir à une inflexion des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre, enfin, bien en dessous des 2 degrés, voire 1,5 degré, vu les scénarios actuels qui mettent donc sur des trajectoires beaucoup plus élevées, il faut préparer cette période post-2020 dès maintenant. Donc l'échéance 2018 a ainsi été posée pour inciter les États à agir bien avant 2020. 2018, un rapport spécial est commandé au GIEC, au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, détaillant les conséquences d'une augmentation supérieure à 1,5 degré. Alors je vous propose plus précisément d'analyser cette dynamique temporelle de l'accord de Paris, en partant de cette frise chronologique et en la prenant à rebours peut-être. Le dernier élément posé, c'est l'objectif des 2 degrés, qui évidemment n'est pas un objectif temporel, mais qui va conditionner en fait toute la temporalité et la dynamique d'évolution, de progression de l'accord de Paris. Cet objectif de 2 degrés est posé, et pour y répondre, on cherche à atteindre, alors ce qui n'est pas nommé neutralité dans l'accord de Paris, mais équilibre subtil entre les sources et les puits, une neutralité carbone, c'est le deuxième point, au cours de la seconde moitié du siècle. Bon, alors là, l'Assemblée générale des Nations Unies énonce déjà 2100 comme date butoir, donc on est à la toute fin de cette seconde moitié. Mais il semble quand même qu'il y a un cadre temporel long qui est proposé à travers cette formulation. Pour y parvenir, il est énoncé dans l'accord que les parties s'efforceront d'atteindre un plafonnement mondial des émissions dans les meilleurs délais. Là encore, la formule est suffisamment vague pour n'exclure personne et garder une dynamique positive de participation à la table des négociations. Elle a le mérite d'exister. L'accord est guidé, toutes les actions posées dans l'accord sont guidées par un principe de progression et formellement, explicitement énoncé comme tel dans le traité international. Et ça, c'est un des facteurs du dynamisme de l'accord de Paris. Alors face à cet objectif long, en fait un objectif de long terme qui est posé, on va voir qu'il y a une logique de renforcement cyclique des obligations des contributions nationales qui ne sont pas posées dans l'accord, mais qui par un ancrage procédural basé sur une dynamique temporelle, en fait, sont destinées à évoluer. Donc c'est les fameuses contributions nationales prévues pour 2020 qui doivent être révisées, éclairées par des bilans périodiques. Un bilan en parallèle du rapport du GIEC de 2018, déjà dit tout à l'heure, un dialogue de facilitation est amorcé à échéance 2018, destinée à éclairer les États sur les moyens qui leur permettront d'améliorer le contenu de ces contributions nationales en identifiant les blocages, les sources de difficultés, par exemple, qui les empêchent d'aller plus loin dans l'ambition de leur contribution. Un bilan mondial également programmé par le groupe de travail sur l'accord de Paris à échéance 2023, puis un bilan qu'on prévoit d'actualiser tous les 5 ans, ce qui a pour effet de donner des échéances temporelles régulières à la mise en œuvre de l'accord. Ça touche l'atténuation des émissions, donc tout le mécanisme de contribution nationale, mais aussi bien d'autres domaines, comme le financement, que tu as expliqué tout à l'heure, et également le mécanisme de transparence, dans lequel un rapport tous les 2 ans est prévu pour actualiser le contenu des normes. Donc finalement, une échelle de temps long, qui permet et qui encourage une stratégie de long terme, rythmée par un processus dynamique et continu, de progression continue. L'idée, c'est vraiment d'agréger des efforts individuels éclairés par des bilans réguliers du sens de ces actions individuelles au regard de l'effort commun. C'est donc jalonné d'étapes qui, à mon avis, sont importantes et qui ne sont pas considérées comme des étapes échéances, hein, comme ça a pu être le cas dans le cadre du protocole de Kyoto, où on voit que les fins de période et les ultimatums datés pour négocier l'avenir du protocole de Kyoto a en fait conduit à un semi-échec ou échec au moment de Copenhague. Et ici, l'idée, c'est justement d'empêcher ces moments échéance, mais de les voir vraiment comme des étapes de nouvel élan pour l'étape suivante, pour l'engagement suivant. Donc une combinaison de stratégies à long terme. Je voulais préciser qu'elle existe dans le cadre de l'accord de Paris et de la décision, donc, mais également hors cadre, avec un très grand nombre d'initiatives. 2050 Pathway Platform, les stratégies de décarbonisation à long terme qui ont été énoncées à la COP22 de Marrakech pour les États-Unis, on verra ce que ça devient, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, et aussi des stratégies de long terme posées par les États les plus vulnérables, par exemple 100% d'énergie renouvelable pour les États les plus vulnérables dans le cadre de la dernière initiative Climate Vulnerable Forum. Alors, comme le président m'annonce que le temps est bientôt écoulé, c'était simplement sur l'idée d'un renforcement du caractère obligatoire de la contribution nationale par l'ancrage procédural marqué par les étapes temporelles. En fait, c'est ce que je souhaitais démontrer avec ce schéma. Et donc on voit qu'il n'est pas possible de lire de manière isolée le contenu de la contribution nationale, mais qu'il faut le lire, là encore, en interaction avec les nombreuses dispositions de l'accord qui y sont associées, le bilan mondial, le principe de progression, le dialogue de facilitation, lesquels renvoient directement aux dispositions de la COP, de la première décision 1, de la COP21, et également des décisions suivantes. Finalement, en termes de constat, des manifestations, on en voit aussi dans le contenu des normes, avec un très grand nombre de normes, bon là la liste n'est pas exhaustive, un très grand nombre de normes destinées à intégrer les évolutions d'évolution des connaissances climatologiques. Ça c'est pas nouveau, mais ça méritait d'être souligné. Comment on intègre ces évolutions? Là encore, c'est un procédé assez bien connu maintenant dans le domaine climatique, de révision, d'actualisation du contenu des normes au regard des connaissances climatologiques par les décisions COP successives à travers un très grand nombre de normes et une multiplication des normes de soft law. Les conséquences et enjeux, et ce sera la conclusion de mon propos, je crois que cette temporalité nouvelle, donc sans échéance et à vision de long terme, permet d'abord d'ancrer une vision commune de long terme qui rend du coup difficile le renoncement en fait à l'action. Ça permet d'assurer une certaine pérennité du régime juridique et en termes de flexibilité, si les engagements sont peu contraignants dans l'immédiat, c'est véritablement une stratégie de solidification au fil du temps, favorisée par des bilans d'efficacité à l'échelle globale et renvoyant à chaque acteur, la responsabilité de chaque acteur à l'efficacité de son propre engagement. Ça confère en termes de stabilité juridique une certaine prévisibilité et une régularité des mesures qui renforce une prise de conscience en fait, des conséquences de l'inaction, mais sans garantir que le régime résistera pour autant aux bénéfices contraires, notamment charbonnées, qui peuvent avoir lieu actuellement. Donc je dirais qu'en termes de prise de conscience de l'urgence de l'action, ça ne sera pas forcément efficace, mais en termes de maintenir le monde sous tension face à l'enjeu climatique, là je pense que c'est un instrument qui pourra faire ses preuves. Dernier point sur le rôle du processus de négociation, par conséquent, il me semble que c'est plus tant le lieu où on décide du contenu des obligations, à la fois d'atténuation, d'adaptation, de transparence, et ça Sandrine, tu l'as bien démontré, mais davantage le lieu d'un calendrier commun qui incite à dialoguer régulièrement sur cet enjeu. Donc là, c'est une transformation, disons, du droit international dans cette optique. Et bien sûr, par rapport, tout l'enjeu va être de voir en termes d'effectivité et d'efficacité de l'accord comment ce processus va se dérouler dans l'avenir. Je vous remercie. Merci Marion pour ce rapport qui, dans la tonalité finalement, est assez positive, optimiste. Cette logique de progression continue donc, que tu as montré à l'œuvre contribue à créer en fait, un climat de négociation permanente. Et ça, c'est un point intéressant du régime du climat que Sandrine a déjà montré dans d'autres contributions. Un régime où on négocie tout